humaine autant que possible. Du 9 au 19 octobre, vivez le festival Québec en toutes lettres. Sous le thème « Double et pseudo », 200 écrivains et artistes proposent une quarantaine d'activités. En vedette, Kim Thuy, Romain Gary, Daniel Danis et Roland Lepage. Procurez-vous dès maintenant votre macaron. Québec en toutes lettres pour découvrir votre identité littéraire. Une présentation de l'Institut canadien de Québec et de la Ville de Québec. Méfiez-vous des barbiers qui rasent d'un peu trop près. Du 28 octobre au 8 novembre, Décibel, en collaboration avec Juste pour rire, présente au Capitole le thriller musical Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Première mondiale en français du classique de Broadway, mettant en vedette Renaud Paradis, Cathy Julien, Jean Petitclerc et Sabrina Ferland. Merci à nos partenaires Ici Radio-Canada et Weekend 91.9. Billets en vente sur lecapitole.com. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez L'autre moitié du soleil. Les aventuriers voyageurs présentent Kauai, Gone Girl, Sous les jupes des filles, Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Aussi, à ne pas manquer au musée de la civilisation, L'autre moitié du soleil, Sous les jupes des filles et Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du classique avec le concert 14-18 Paroles et musique. L'accordéoniste et chanteur Steve Normandin, le pianiste Maxime Bernard et le comédien Éric Leblanc vous offrent une soirée soulignant le 100e anniversaire du début de la Grande Guerre. Avec des œuvres musicales et littéraires écrites par des Français, des Allemands et des Anglais qui ont vécu cette guerre, le trio vous transportera dans la vie quotidienne et la mémoire collective de ces années marquantes. Le 11 octobre, vivez la musique à son meilleur avec 14-18 Paroles et musique. Détails au palaismontcalm.ca. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1 et avec l'émission Contes de fées, au microphone Olivia Vu et je vous souhaite la bienvenue. Alors, et voilà, de retour avec vous chers auditeurs et avec une nouvelle formule. Contes de fées sera la portion littérature jeunesse de l'émission Les bouquins d'abord. Alors, vous avez reconnu le thème. Berbel Rinque nous a ouvert grand la porte pour nous accueillir au sein de son équipe éclectique, c'est vraiment le cas de le dire. Alors, notre équipe cette année sera composée de Marie-Claude Leclerc, Chloé Legault, Tania Massot et Lou Bolduc comme chroniqueuse et d'Isabelle Baume à la mise en onde. Alors, une équipe de choc donc pour vous parler de littérature jeunesse sous toutes ses formes. Et durant l'année, nous aurons des invités surprises et des entrevues qui vont vous faire tomber en amour avec les mille et une histoires que regorge la littérature jeunesse. Alors, ce sera une fois par mois et la prochaine, logiquement, ce sera en novembre. Alors, pour cette première émission de l'année, ça va être riche et palpitant. Ben oui, on vous l'avait dit, ça va être vraiment palpitant. Première partie, les titres de la rentrée littéraire. En deuxième partie, on sera en entrevue, d'abord avec Marie-Charlotte Aubin, super libraire, vous allez savoir pourquoi super libraire tantôt, qui va nous parler du prix des libraires jeunesse du Québec. Ensuite, on sera avec l'écrivain François Place, qui est en tournée au Québec avec l'équipe Gallimard. Alors voilà. Alors, trêve de bavardage, je vais dire bonjour à mes acolytes. Alors, bonjour Chloé. Bonjour. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Olivia, ça va bien? Très bien, vous-même? Oui, ça va bien. Ça va, les papillons? Très heureuse d'être là avec toi. Ah bah, écoutez, moi aussi, et ça volette partout dans le studio. Et donc, justement, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est la rentrée littéraire, comme chez les grands, au fond. C'est signe de nouveauté et d'abondance. On a épluché bien des programmes, on a feuilleté tous les communiqués possibles sur les nouvelles parutions et on a lu le plus rapidement possible aussi le maximum de nouveautés. Alors, pour aujourd'hui, on va vous parler des titres qui nous ont accrochés, mais attention, cela est bel et imparfait, malheureusement, car nous n'avons pas tout lu et on va vous proposer une première sélection. Alors, tout au long de l'année, nous parlerons des livres que nous n'avons pas eu le temps de traiter aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on commence avec la catégorie album et on commence avec Alpha d'Isabelle Arsenault chez La Pastèque. Alors, Chloé, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, j'avoue que ça a été un coup de cœur pour moi. J'ai beaucoup aimé cet abécédaire très original basé sur le code Alpha international. Ce code-là a été normalisé en 1956, qui est utilisé par les gens qui travaillent dans l'aviation, mais aussi dans les services de secours comme la Croix-Rouge. Puis, j'ai trouvé intéressant qu'elle choisisse ce thème-là pour un abécédaire plutôt que, par exemple, les animaux ou le cirque. Mm-hmm. On a des mots comme Charlie, illustré avec un chapeau, donc qui fait référence à Charlie Chaplin. Puis je trouve ça très intéressant de pouvoir en parler, je pense, avec les enfants. Oui, puis au niveau du style graphique aussi, j'imagine qu'elle est sortie de ses habitudes graphiques. Je pense que oui, elle est allée beaucoup avec la peinture. On a des gros appliqués de couleurs. C'est vraiment, vraiment accrocheur. Entre autres, j'ai eu un coup de cœur pour les illustrations de Juliette et de Roméo qui font référence en fait à la façon dont les deux amants sont morts. C'est un peu tragique, oui, mais c'est très beau, c'est très poétique comment elle le fait. Donc, un coup de cœur pour moi. Mm-hmm. Et toi, Marie-Claude? Ben, moi aussi, j'ai bien aimé. Je trouve effectivement que c'est une façon d'aborder l'abécédaire de façon différente. Ceci dit, je dois dire que étant maman de deux jeunes enfants, ben oui, et quand même assez jeunes, peut-être qu'ils sont trop jeunes pour que ça les accroche, parce que bon, c'est assez rigolo, mais effectivement, il y a de quoi pouvoir leur discuter avec eux, aller un peu plus profondément, mais c'est peut-être pas les thèmes qui les rejoignent plus. Je dirais que il y a peut-être intérêt à mettre le papa dans le coup, parce que effectivement, hein, le code alpha, il y a quelque chose de très un peu soldat qui accroche beaucoup les dix papas. Donc je pense que je l'offrirais beaucoup au papa des deux petits loupiots qui aura sûrement bien des choses à leur raconter plus tard. Donc peut-être pour un peu plus vieux tout de même. Oui. Mais effectivement, les illustrations, elles sont magnifiques. Oui. Ça sort du gnagnan à plat de couleurs qu'on voit normalement dans les abécédaires. Oui. Et c'est fort agréable. Donc, petit coup de cœur pour Alpha. Mais est-ce qu'ils ont accroché sur les illustrations, justement, vu que ça les rejoint pas forcément? Ben, écoute, c'est sûr que, bon, on n'a pas... il faut dire qu'on n'avait pas accès à des versions papier. Hein. Alors, je pense que ça fait une grosse différence. C'est vrai. L'avènement du livre numérique, c'est très, très chouette. Ça permet une démocratisation et un accès aussi à la littérature. Mais... pour les tout petits, je pense que le papier, ça reste quand même encore un incontournable. Et il y a très peu d'albums, je dirais, que j'ai regardé avec eux directement sur mon portable ou la tablette, qui les a vraiment accrochés. Ah, ça, c'est intéressant à savoir. Hein. Donc, ils ont toujours besoin de le tenir. Et puis de voir la couleur, puis de pointer, puis de tourner les pages trop rapidement, puis d'aller puis un peu plus vite. Donc, ça fait partie de ça aussi, le côté, à quelque part, un peu sensuel aussi, le toucher des livres. Là, donc, Donc, un coup de cœur pour les plus grands, mais pour les plus petits, c'était peut-être pas ça. Mais alors, pour les plus petits, est-ce que justement, je veux pas aller à la piscine avec Super Lapin? Simon, le Super Lapin, les a touchés. Il est tellement mignon, ce Super Lapin. Alors, allez-y! Je t'avouerais, en fait, je vais regarder ceux, bizarrement, qui ont beaucoup accroché ma fille. J'ai pas eu de coup de... Moi, j'ai eu coup de cœur pour l'illustration, mais pas tant pour le récit que j'ai trouvé, bon, un peu convenu. J'imagine que c'était peut-être une demande. Je ne veux pas aller à la piscine. Bon, ben, c'est un peu ça, hein, l'histoire. C'est tout long, notre cher petit lapin qui ne veut pas aller à la piscine jusqu'à ce que... Grâce à une lapine, ça prend toujours une lapine. Finalement, la lapine le convainc. Oui, la lapine qui va aider à faire changer d'avis. Mm-hmm. Mais non, j'ai pas réussi à les accrocher nécessairement avec celui-là. Ah, ben, faut croire que c'est un album qui plaît aux grands, parce que moi, je encore plus. J'aime beaucoup Stéphanie Blake en général. Les histoires avec Simon Superlapin m'accrochent tout le temps. À l'école des loisirs. À l'école des loisirs, oui. Mm-hmm. C'est vrai que c'est souvent des thèmes, par exemple, assez faciles. Tu sais, il y avait non, je veux pas dodo. Non, pas dodo. Mm-hmm. Donc, c'est un peu tout le temps dans la négation, je pense. Ouais. Là, si Superlapin, il veut pas faire quelque chose, puis finalement. Il finit par changer d'idée. Il finit par vouloir le faire. Fait que c'est vrai que c'est assez simple, mais quand même, on rigole. Mais les illustrations, elles sont. Oui. Adorable. Ah, oui. Non, tantôt, on était vraiment dans des couleurs délavées avec Alpha, et puis là, c'est du rentre-dedans. Oui, du contraste. Oui. C'est très vif. C'est vif, oui. Sûrement que, encore là, comme je disais, en version papier. D'avoir le format, puis de voir les illustrations en vrai, les enfants seraient probablement plus accrochés. Et là, il y a eu un gros coup de cœur aussi pour On verra demain. Donc, l'histoire d'un paresseux qui procrastine et qui remet toujours au lendemain. Tania, elle a dit que c'était vraiment son coup de cœur après un autre titre dont on va parler tantôt là. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben moi, je l'ai beaucoup aimé aussi. Mm-hmm. En fait, tout le monde... en tout cas, moi, j'ai tendance à procrastiner souvent, donc je me suis quand même reconnue. ça nous rejoint. Ça nous rejoint tout de suite. Puis j'ai beaucoup aimé, à la fin, en fait... Ben en fait, il y a des castors qui débarquent dans la forêt qui veulent s'emparer de tous les arbres. En fait, ils ont déjà coupé plusieurs arbres. Et il ne reste que celui de notre dit paresseux qui tient haut et fort. Et là, il se rend compte que malgré sa paresse, il tient quand même à une chose, et cette chose... C'est son arbre. Voilà. Donc, voilà. Comment va-t-il faire pour garder son arbre? Oui, pour... Rappelons aussi que c'est chez Kaleidoscope et puis c'est le duo Michael Escoffier et Chris Di Giacomo. Mmh. Désolée pour mon italien. Donc... Mais oui, alors ce paresseux aussi qui, tu as pu aussi constater un clin d'œil aux Mille et une nuits. Mais oui, exactement, parce qu'en fait le paresseux, pour pouvoir garder son arbre debout, va raconter des histoires au castor, puis c'est comme ça qu'il va finalement réussir à garder son arbre. À tenir debout. Voilà. Ouais. Et donc là, il y a eu un gros coup de cœur aussi pour Tout au bord d'Agnès de l'Estrade et Valeria de Campo chez Alice. Et donc, très poétique album avec un ours qui fait des nouveaux mots, qui s'amuse à faire des nouveaux mots. Donc, vous, mesdames, qu'avez-vous pensé de ce livre? C'est quasiment la peine d'en lire. Oui, exactement, oui, s'il vous plaît. Alors, tout au bord de mon lit, il y a des morceaux de songe. Ils sont si petits qu'ils se cachent entre les moutons de poussière. Si je les ramasse, je souffle dessus, je les regarde s'envoler. Demain, je moutonnerai. Donc, c'est super poétique. Ouais. Il y a de quoi, je pense, à amener à la discussion. Encore là, je pense que j'ai peut-être des enfants qui sont... peu trop jeune. C'est ça que j'allais pour, je me demandais. Arriver à ce qu'il y ait un intérêt. Et puis, encore là, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir la version papier permettrait peut-être de mieux voir l'ensemble des illustrations puis de mieux la présenter. Mais d'imaginer ou d'être rendu à imaginer des mots, à inventer des mots, parce que c'est ça un peu, hein, notre ours, il s'invente des mots qui n'existent pas nécessairement. Oui, comme j'ai écrit livreret, voilà, ou j'hivernagerie. Voilà. Oui. Donc, ça doit faire partie de notre vocabulaire désormais. Hein. Mais c'est beaucoup des. En fait, je trouve beaucoup d'albums qui s'adressaient énormément aux adultes, finalement. Oui. Je trouve. Alors, c'est un beau lien à faire avec l'enfant, mais peut-être que pour des enfants un petit peu plus vieux. Donc 5-6 ans, parce que Estelle, elle a quoi, 4 elle ans? Ça va sur 5 ans, donc peut-être un petit peu plus vieux, c'est ça, où il y a vraiment un certain apprentissage de la lecture, puis on commence aussi à jouer avec un peu plus de langage, c'est plus juste un état de communication. Mais parmi tous les albums, justement, lequel a accroché leur intérêt? Ben, écoute, il y en a un qui était pas dans la liste et qu'on m'a fourni, qui était le dodo rigolo chez La Pastèque. Bon, alors, je dois avouer que mes enfants sont des fans des illustrations de Pierre. Mm-hmm. Alors, ça fonctionne toujours très bien. Un illustrateur à Québec. Oui, exactement. Et c'est toujours extrêmement coloré. Et puis donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va faire dodo. Et puis là, ben, pour s'endormir, il compte. Et là, il compte plein d'animaux. Mm-hmm. Donc, c'était bien parce que, j'avais la version papier, comme on dit tout à l'heure. Oui. Donc, c'était déjà plus intéressant. Et puis, bon, comme on comptait, on pouvait compter les animaux, on pouvait regarder ce qu'ils faisaient. Puis, j'ai réussi à capter, alors ça, c'était pas facile, hein, capter 2 ans et demi et un presque 5 ans en même temps. Donc, j'étais quand même fière de mon coup. Donc, pari retenu, ça a très, très, très bien fonctionné. L'histoire est pas extrêmement complexe, on s'entend. C'est pas non plus extrêmement poétique, mais ça fonctionne super bien au niveau des images. Puis en même temps, ben, y a toute la notion de calcul, y a un certain apprentissage qu'on peut faire aussi avec les enfants. Fait que ça a été un beau coup de cœur. Sinon, bizarrement, et on en parlera tout à l'heure, c'est un roman qui a beaucoup, beaucoup accroché Estelle et qu'elle a bien aimé. Il y a quelques illustrations, mais voilà, je vous le garde ça pour tout à l'heure. Et depuis, elle dort. Ah, ça, c'est une chose. Eh bien, justement, en parlant d'histoire, on va finir notre volet album avec L'été indien et 43 petites histoires. Alors, c'est un recueil d'albums, un recueil de récits illustrés qui est paru chez Soulière Éditeur. Et en fait, c'est 44 tableaux. Et on a le plaisir de rencontrer des expressions très québécoises comme cabane à sucre, skidou, blé d'Inde, et il s'amuse avec ces mots et ces 44 illustrateurs québécois, donc la crème de la crème. Ils sont tous beaux. Forcément, il y a Isabelle Arsenault, et justement, entre autres, hein, bien sûr. Et c'est à la suite d'une rencontre à la foire du livre Jeunesse de Bologne en Italie que Robert Soulière a eu l'idée de faire ce recueil illustré avec l'association Illustration Québec. Alors, au texte, on retrouve Colombe Labonté, Joanne Mercier, le talentueux également Gilles Thibault et Robert Soulière lui-même. Donc, tout ça chez Soulière Éditeur. Et on enchaîne, on vous avait dit que ça allait rouler avec les romans. Et donc, Tania, elle a mentionné du côté des jeunes lecteurs La machine à mesurer l'amour, toujours chez Soulière, de Joanne Mercier, où l'on découvre à quel point l'amour est difficilement quantifiable. Donc, c'est un jeune inventeur qui doit, essayer de reconquérir une jeune femme qu'il a un peu délaissée pour ses inventions. Et on continue aussi avec La sorcière de notre rue, donc chez Boréal Maboul, d'Edith Bourget et Jessica Lindsay, que Chloé a lu. Et oui, et en fait, ça raconte l'histoire de Tom, alias Rouge Tomate. Donc, c'est le deuxième de cette série-là, la série Rouge Tomate. Tom raffole du ketchup maison que sa voisine cuisine. Mais un jour, elle va laisser le ketchup brûler. Attiré par l'odeur, Tom va rentrer dans la maison, puis il va voir sa voisine arriver avec un mystérieux paquet. Donc, Elle a laissé brûler le ketchup pour aller chercher un paquet. Mais qu'est-ce que contient ce paquet? Donc, Tom et ses amis vont se mettre à enquêter là-dessus pour finalement se rendre compte que c'était un livre. Et sur le livre, il y a 3 lettres G-R-I. Donc, ils commencent à penser que sa voisine est une sorcière et que c'est un grimoire. Mm-hmm. Alors là, ils vont enquêter afin de savoir là, qu'est-ce que sa voisine prépare. Donc, je vous laisse quand même un peu de suspense. Un titre à lire avec l'Halloween qui arrive. Là, il faut savoir ce que la sorcière mijote. Tout à fait. Et toi, t'en as tiré du plaisir? Oui, j'ai vraiment trouvé ça bien agréable à lire. C'est rigolo. D'après moi, les jeunes de peut-être 7 ans. C'est un premier roman, en fait. Oui, premier roman. C'est quand même écrit assez gros. Il y a quelques illustrations. Donc, assez pour, je pense, les tenir intéressés. En haleine. Oui. Est-ce que tu penses que si tu lisais l'histoire à voix haute à Estelle, ça pourrait l'accrocher, hein? Ben écoute, j'ai pas tenté celui-là. Sûrement, écoute, il y en a certains que j'ai pu faire où il y avait vraiment beaucoup de textes. Et puis, quand l'histoire est intéressante, elle embarque. Donc, pourquoi pas? C'est peut-être un bel outil aussi pour commencer à apprendre la lecture à son enfant. T'sais. Oui, je pense que oui. Les chapitres sont courts, justement. Oui. Donc, tu sais, comme un adulte, l'enfant peut arrêter, mettre son signet, puis continuer plus tard, ce qui est bien. Là. Oui. Ben d'ailleurs, toi, en tant que libraire, tu le vois que ça fonctionne avec ces petits jeunes lecteurs. Oui, définitivement, les Boréal Maboul fonctionnent assez bien. Là, justement, je pense avec le mélange illustration, roman, les jeunes aiment ça. Génial. Alors, justement, on parle de romans illustrés avec le voleur de sandwich encore à la pastèque. Oh, André Marois et Patrick Doyon. Alors, Marie-Claude, elle capote. Oh, oui. J'ai tellement aimé ça, Puis, je pense que j'aurais eu encore plus de succès auprès de mes enfants si, effectivement, j'avais eu la version papier. Mais les illustrations sont magnifiques et on a envie, tel notre... Une fois, je me rappelle même plus de son petit prénom. Marin. Merci, Marin. En fait, Marin, sa maman lui prépare des somptueux sandwichs à chaque jour. Et chaque jour, il y a un sandwich différent. En fait, ça donne l'eau à la bouche juste de lire les descriptions. Donc, on a envie, nous aussi, de manger le sandwich de Marin. Et ce qui arrive à Marin, c'est qu'un beau jour, il se rend à la cafétéria avec son sac et se rend compte qu'on lui a volé son sandwich. Ah, ça, c'est pas chouette. Ah non, c'est pas chouette. En plus, c'était la journée de son sandwich préféré. Et oui, Le jambon cheddar laitue. Oui. Il était dépité, le pauvre. À essayer chez vous. Mais donc, alors tout le long, on suit comme ça parce que c'est toute la semaine, ce cher Marin se fait voler son sandwich, sauf une journée où c'est le sandwich aux œufs, si je ne m'abuse. Tofu et crevettes. Ah oui, et qui contient pas de mayonnaise. Ouf! Oh. Ouf! Il ne faut pas en dire plus. Il ne faut pas en dire plus. Mais non, moi, ça m'a tenu en haleine jusqu'à la fin. J'avais vraiment envie de savoir qui avait volé la fameuse sandwich. Donc, c'était vraiment hyper efficace. Les dessins sont encore là, tout à fait magnifiques. La pastèque. La pastèque, on les aime. Oui, vraiment, vraiment. Oui. Donc, un roman graphique à saveur policière, comme tu Oui, définitivement, on se demande qui a volé le sandwich. Est-ce que c'est un autre élève? Est-ce que c'est un professeur? Est-ce que c'est le concierge, le directeur? Tout le monde y passe. Donc, c'est très drôle. Puis on peut y aller aussi, j'imagine, à la rigueur avec les enfants de nos propres suspicions. Oui, exactement. Parfait. Alors ça, c'est pour les 7 ans et plus. Et chez les plus, eh bien, on peut parler donc de la suite du Passeur de Loïs Lauri, donc roman adolescent. C'est enfin disponible sous le titre Le Fils. Donc on apprend un peu plus sur cet univers futuriste pseudo-utopique et on suit l'histoire de Jonas, donc qui était le passeur, donc le roman précédent. Et on suit surtout l'histoire de Claire qui est mère porteuse dans cette communauté assez facho, merci. Écoutez, moi je l'ai lu de bout en bout, j'ai adoré, ça permet, ça permet de voir la prise de la liberté grâce à l'amour, entre autres l'amour filial, et il peut vraiment donner des ailes, c'est vraiment le cas de le dire. Et donc il y a eu un film qui a une adaptation cinématographique du Passeur, donc du titre précédent, et même si c'est pas nécessaire de lire le Passeur, ben moi après avoir lu Le Fils, ben j'ai envie de lire le Passeur. C'est bien. Et toi, l'as-tu commencé? Je l'ai abordé, oui. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était fort intéressant, en fait, de voir, en plus, à la rigueur, Claire, elle était très jeune, en fait. Elle a 12 ans. Oui, c'est ça. Donc, on peut pas dire fille-mère, mais mère porteuse extrêmement jeune. Donc, avec tout ce qu'il y a de changement dans son corps, et en fait, on leur en dit très, très peu. Ils sont pris avec ça. Donc, c'est un peu la découverte, en même temps aussi, d'une certaine façon, du corps, des sentiments aussi qui sont étouffés dans cette communauté-là et qui, elle, pour sa part, pour X raisons, se permettent d'être... De se mettre au grand jour. Donc, je ne me suis pas rendue, malheureusement, jusqu'à la fin. Mais j'ai trouvé ça fort intéressant. Ça donnait vraiment le goût de continuer la dite lecture pour savoir ce qui allait arriver à Claire et à son bébé, puisque tout le long, elle cherche cet enfant-là. Donc... Et oui, c'est la construction de femme. Et dans la construction de l'être, eh bien, on continue avec donc le nouveau titre de Timothée de Fombelle. Aïe, oui, toujours chez Gallimard Jeunesse. Bon, c'est après Van Gogh, après Toby Lawless, il sort le livre de Perles qui sort en octobre, bientôt. L'as-tu lu, toi, Chloé? Je ne l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps. Puis en même temps, il y avait une partie de moi qui avait pas tellement envie de le découvrir sur mon ordinateur. J'avais envie d'avoir le bouquin dans les mains pour vraiment... en profiter pleinement parce que j'avais beaucoup, beaucoup aimé les précédents. Là, Toby Lowness, entre autres, oui. qui est absolument merveilleux. Tu vois, ben, là, je l'ai lu aussi, le livre de Père. J'ai pleuré. Oh. J'ai été touchée. Tania aussi a dit que attention, il y aura des nuits courtes à venir si vous commencez à plonger dans ce roman. Et c'est effectivement le cas. Tu ne lâches pas l'histoire qui vogue entre le royaume des contes de fées et la réalité. On voyage, c'est aussi un voyage dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et une très belle histoire d'amour entre une fée et un prince qui va être exilé, et il faut le lire pour le savoir. Bon, ce prince, il a un petit nom, c'est Ian. Voilà. Et donc, vraiment à recommander, un très très beau livre à lire. Et on continue avec un titre à la courte échelle qui s'appelle « Ma vie racontée malgré moi ». Tania l'a apprécié justement parce qu'il y a un écho par rapport à l'actualité. C'est un écho justement par rapport à la montée de l'intimidation et l'annonce des coupures dans le budget québécois destinées à lutter contre. Dans « Ma vie racontée malgré moi », donc Henri Kyle Larsen essaye de vivre normalement malgré le fait que son frère ait tué son bourreau à l'école d'un coup de fusil. Alors voilà, ça met déjà... Ça doit être dense et lourd quand même. Exactement, mais malgré tout, d'après ce que j'ai compris, ça se lit très très bien. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais elle dit que c'est un vrai page-turner et que le personnage principal est incroyablement attachant et on rit vraiment souvent malgré le sujet qui semble très lourd. Donc, une façon de dédramatiser ces réalités violentes. Et là, du côté des Léonard et Park, donc elle dit qu'on voit déjà des milliers de fidèles lecteurs qui vont succomber à cette histoire d'amour magnifique qui nous prouve qu'être ronde, rousse et pauvre, mon Dieu, elle a tout pour plaire, ne semble pas indisposer les beaux garçons asiatiques effluets. Il y a quelques clichés, mais on passe par-dessus tellement le plaisir, car le plaisir de lecture est au rendez-vous. Et puis lire avec le sourire aux lèvres, c'est pas si fréquent, donc il faut pas bouder son plaisir. Et elle finit entre autres avec elle dit une production atypique, Jess ou comment j'ai accouché d'un orignal. Ah. Oui, ça se peut. Oui. Chez Bayard de Meg Rossoff, qui est fortement recommandé, un texte court. Chloé, elle fait une grosse grimace ou une petite grimace. Ben en fait, moi je l'ai lu, puis j'ai pas accroché du tout sur ce titre-là. J'ai trouvé ça un peu plaqué. La jeune fille tombe en... bon, un peu plaqué. C'est assez original qu'une jeune fille tombe enceinte puis qu'elle accouche d'un orignal. Par contre, après qui est raconté, c'est un peu plate et prévisible à mon humble avis. Par contre, je sais que Tania a aimé et Joséanne du libraire aussi me semblait qu'elle avait aimé. Donc voilà. Mais c'est au niveau du rythme, c'est au niveau des clichés, c'est qu'est-ce que t'as pas trouvé ça drôle? J'ai juste pas aimé l'histoire en fait, aussi simplement que ça. Une jeune adolescente tombe enceinte, ses parents sont pas d'accord, puis là quand ils voient l'orignal, ils sont rebutés un peu, finalement on passe à travers ça, puis l'histoire se finit plus ou moins bien. Je sais pas si je peux voler le punch, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon. Ben non, justement, il faudra le lire, pour avoir un avis vraiment tout personnel. Voilà. Toi, l'as-tu abordé? Non, pas du tout. Non. Je ne l'ai pas lu, ce titre. Ok. Mais oui, ça semble tout à fait original. Qui vous fait des gros... Tania dit que c'est drôle et impertinent. Ben, moi, j'attends d'avoir le SP, justement, pour pouvoir le lire et avoir ma propre opinion. Et là, on parle de... dernier... On n'a pas le temps. Très vite, justement, parce que les garçons courent plus vite, de Simon Boulris à la courte échelle, qui sort le 28 octobre. Donc, Simon Boulris, une des étoiles de la littérature jeunesse, et on part en publicité. Alors, est-ce que monsieur a choisi? Oui, je vais prendre le tartare de saumon, s'il vous plaît. Donc, le tartare de saumon, plus les joues de bœuf, le risotto aux cèpes, le feuilleté de légumes... Ah non, excusez. La bisque de homard, la poutine au foie gras... Excusez. La salade d'artichaut... Mais... Et le poulet de cornouailles aux abricots façon marocaine. Ce sera tout? Ouais.

Pardon, j'ai pas entendu. Alors, comment question. S'est déroulée les discussions pendant l'année entre vous pour choisir les auteurs qui allaient gagner le prix jeunesse? Mais tout d'abord, on se rend compte, on se réunit après Noël, finalement. Donc, on commence à faire la liste chez soi, chacun chez soi, tout simplement sur une feuille de papier, sur un document Word avec nos coups de cœur et tout ça. Ensuite, on se rend compte après Noël pour faire la liste de présélection, finalement. Mm-hmm. Et suite à la présélection, elle est mise en ligne, elle est publiée, elle est annoncée. Et on se rend compte une fois de plus, probablement 2 mois après, pour définir vraiment la liste des finalistes. Mm-hmm. Mm-hmm. Et de là, pour la liste des finalistes, on laisse place à tous les libraires au Québec pour voter pour leur coup de cœur, finalement. Donc, c'est tous les libraires du Québec qui définissent les gagnants du prix des libraires jeunesse. Et tous les libraires du Québec, c'est combien de personnes? Oh là là! il y en a beaucoup, mais pour le vote du prix jeunesse, il y a beaucoup moins de monde qui vote, étant donné qu'il y en a beaucoup qui ne se sentent pas rejoint directement, car qui se qualifie pas comme un libraire jeunesse. Donc, c'est pour ça qu'à chaque année, on essaie vraiment de ratisser le terrain pour que tout le monde, tous les libraires se sentent impliqués pour voter et de prendre un petit 5 minutes, 10 minutes, quelques heures de leur temps pour lire les livres en présélection ou étant finaliste, tout simplement. Ben, je constate qu'il faut encore mobiliser les libraires pour s'intéresser à la littérature jeunesse. Oui, ça c'est certain. Eh bien, ok, intéressant. Ce sera peut-être le sujet d'une autre émission. Alors, du côté des titres québécois, donc vous avez choisi 3 titres. Oui. En album, pour les héros, 5 ans l'autobus, chez de Marianne Dubuc, chez Comme des géants. Alors, pourquoi ça a accroché les gens? Marianne Dubuc est tout d'abord une illustratrice, auteur excessivement aimée des libraires. Elle a une douceur dans ses illustrations qui est forte, qui est présente. Et ce qui est intéressant avec l'autobus, c'est que il y a 2 histoires en tant que telles. Il y a une histoire dans les illustrations, une histoire dans le texte. Donc, ça laisse place à l'enfant de pouvoir partir avec le livre de son côté et de lire soi-même le livre et de s'inventer une histoire. Mm-hmm. Et ensuite, on revient avec le parent qui, lui, va lire l'histoire avec les vrais mots, avec le vrai texte. Et alors là, l'enfant peut comparer, peut voir jusqu'où les images l'ont poussé à avoir la nouvelle histoire, finalement. Mmh. Et puis, il y a beaucoup de détails aussi dans cet album. Donc là, il y a toujours un nouvel élément à découvrir. Exactement, oui. Mmh. Et chez les 6-11 ans, c'est Edgar Payette, ce jeune garçon pas du tout conforme, qui est donc un texte de Simon Boulris chez Québec oui. Amérique. Alors, j'ai vu ça un pur bonheur parce que c'est drôle, c'est touchant. Hein. Mmh. Ce qui est plaisant à lire avec Simon Boulris, c'est qu'il accroche dès les premières lignes. Donc, on entend souvent parler de Simon Boulris ce temps-ci. Il publie mm-hmm. énormément, mais il a l'avantage d'accrocher ses lecteurs vraiment dès les premières lignes. On s'ennuie pas en lisant Simon Boulris. Et ce qui est plaisant avec un roman jeunesse, on a besoin de ce type de roman jeunesse-là qui va accrocher l'enfant à la lecture. Et même s'il traite de sujets plutôt durs, parce qu'on s'entend, c'est vraiment la relation frère-frère, mais frère avec une petite différence. Donc, on peut imaginer qu'il est atteint d'Asperger ou d'autisme. Et ça traite d'un sujet qui est assez dur habituellement, mais on arrive à éclater de rire, à vouloir voir plus loin avec ce personnage-là, à s'attacher énormément à ce personnage-là. Donc, c'est ce qui est intéressant avec Simon Boulris. C'est un peu aussi cette veine que vous voulez, que vous avez exploitée, j'ai l'impression, en tant que libraire. Pourquoi vous avez choisi? C'est aussi Eux, de Patrick Isabelle, chez Le Méac. Donc, vous avez qualifié de livre qui remue. Oui, c'est un titre excessivement poignant, un des très gros de la rentrée de l'année passée. C'est un roman qui traite de l'intimidation, mais entièrement du point de vue du jeune intimidé. Donc, c'est un roman au jeu. Mm-hmm. On se sent tout le temps interpellé, et c'est un roman coup de poing, là, définitivement, parce que c'est excessivement dramatique, excessivement dur. Ça éveille une certaine réflexion, et c'est un roman à travailler à l'école très sérieusement, à travailler au secondaire, à travailler même au cégep, à mon sens, et peut-être même à mettre entre les mains des futurs enseignants du Québec. Intéressant, intéressant. Ben en fait, ce qui me frappe toujours, c'est le fait que le MEAC publie du jeunesse alors que c'est pas sa vocation première. Exact. Mais il y a un travail de c'est Maxime Mongeon qui est le directeur littéraire de cette collection là. Il y a un travail excessivement pointilleux sur les textes de la collection jeunesse de le MEAC qui est vraiment à découvrir et qui est à surveiller vraiment pour les prochaines années à mon sens. Très bien. Et maintenant, on se tourne vers les titres hors Québec que vous avez couronnés. Donc, Le Cadeau, donc Agnès Laroche et Stéphanie Augusso chez Alice Jeunesse. Donc, de la tendresse du début à la fin pour un cadeau mystérieux. C'est le troisième d'une espèce de trilogie là, qu'ils ont fait, Agnès Laroche et Stéphanie Augusso. Donc, le premier s'appelait... j'ai un blanc, mais il y en a trois dans cette collection-là. Le deuxième s'appelle Pourquoi. C'est Nicodème le premier, pardon, j'avais oublié. Donc Nicodème, le Pourquoi et le Cadeau. Et donc on suit toujours le petit personnage Nicodème dans les trois séries. Et le troisième album, donc c'est un peu le reflet d'apprendre à l'enfant que c'est bien beau de recevoir, mais il me semble que c'est encore plus excitant de donner. Et donc c'est l'excitation de l'enfant de voir un cadeau et on se demande donc c'est quoi qu'il est dans le cadeau, pourquoi il y pense tout le temps, est-ce que c'est pour lui, qu'est-ce que c'est, et au final c'est un cadeau pour sa maman. Et donc on perçoit que à tout âge il est tellement plus gratifiant et incroyable de donner et que de recevoir. Donc à Nicole, et les illustrations sont simplement très belles, finesse, excessivement belles. On traite le noir et blanc avec quelques touches de couleur superbement. Donc, oui, c'est vraiment un très bel album. Encore un autre album qui s'illustre chez Alice Jeunesse après... c'était avant Tout au bord, dont on a parlé en première partie d'émission. Et très rapidement, en fait, on va parler des deux autres titres qui ont été choisis. Donc, Monsieur Flux et par la suite, Nos étoiles contraires. Oui, Monsieur Flux, donc encore un très, très beau titre de La Pastèque. La Pastèque qui multiplie les prix vraiment autant dans leur volet jeunesse que dans le volet BD. Et ils développent de plus en plus le volet jeunesse et merveilleusement bien. Monsieur Flux, c'est vraiment un très, très bel album sur la différence et sur le fait de ne pas juger l'autre dès les premières apparences et de ne pas avoir peur du changement, peur des petites contradictions, peur de tout ce qui arrive de changement dans la vie finalement. Et c'est merveilleusement bien illustré. C'est des illustrations qu'on voit de prime abord comme est-ce que c'est vraiment accessible auprès des enfants? Eh bien oui, si vraiment il y a un suivi, autant avec l'enseignant, autant avec le parent, je trouve que ça amène un autre visuel à l'enfant. La Pastèque qui réussit de nouveau son coup en jeunesse et puis qui a d'ailleurs gagné un prix, le prix le plus prestigieux à la foire de Bologne. Oui, exactement. Oui. Et le très beau Nos étoiles contraires de John Green chez Nathan, donc pour les 12-17 ans. Alors ça fait rire et ça fait pleurer. Oui, l'incontournable à mon sens, lecture pour les adolescents, autant cette année que l'année passée, là, avec la sortie du film, ça a donné envie aux adolescents de lire encore, de revenir au livre de John Green. John Green qui surprend à chaque publication et c'est on se retrouve à rire aux éclats et à pleurer en tournant juste une page. Les étoiles contrastes, c'est exactement ça. C'est traité d'un sujet excessivement dur qui est la mort d'un être proche à très bas âge même. Donc parler du cancer qui est ravageux pour cette petite fille-là, mais qui le traite d'une manière un peu pince sans rire, excessivement drôlement. Et c'est ce qui est touchant et beau dans ce livre de John Green. Eh bien, mon Dieu, et après justement avoir lu, choisi tous ces livres, est-ce que vous êtes déjà à pied d'œuvre pour le prix des libraires jeunesse 2015? Oui, on est déjà en train de faire la présélection pour le prix jeunesse 2015. On est en train de concevoir justement la liste préliminaire et c'est les 5 ans cette année donc du prix des prix jeunesse. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire de spécial cette année pour célébrer ce 5e anniversaire-là. C'est un concours qui est tout jeune, tout neuf. Donc, oui, on travaille fort présentement. Travailler fort aussi pour mobiliser tous les libraires du Québec. Oui, il le faut. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Marie-Charlotte. Ça a été un plaisir de t'écouter et j'espère pouvoir de nouveau t'interpeller au cours de l'année. Est-ce que tu accepterais? Mais bien sûr. Ben, un gros merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh bien, vous avez pu faire le tour donc des lauréats du prix des libraires jeunesse du Québec qui ont été couronnés en septembre dernier. Et sans plus attendre, on enchaîne avec la deuxième entrevue. On a en studio François Place. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, auteur illustrateur pour la jeunesse, François Place est en opération séduction au Québec. L'auteur de Siam, le vieux fou de Bassin, les derniers géants de la douane volante présente son travail de créateur et la toute nouvelle série qui vient de publier chez Gallimard Jeunesse, Loup Piloufasse. Alors bonjour Monsieur Place. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes au Québec? Attendez. Oui. Ça fait pas du tout longtemps, mais j'ai l'impression que ça fait déjà. Je suis arrivé mercredi dernier à Ottawa et je suis arrivé à Montréal samedi et donc à Québec depuis hier. Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps déjà parce qu'on a fait beaucoup de choses. Alors plus proche oui, du parfait, micro. Excellent. Okay. Donc notre metteuse en onde, elle fait ça, le pouce levé. Très bien. Et donc là, vous êtes venu pour présenter la famille Piloufasse, qui n'est pas une famille comme les autres. Donc c'est une série, ça fait déjà deux titres que vous avez publiés. Alors parlez-nous-en s'il vous plaît. Alors c'est une histoire, ce sont des petits personnages qui sont des animaux. Il y a une petite chatte qui s'appelle Lou Piloufasse, son oncle qui s'appelle Boniface Piloufasse, qui est capitaine d'un bateau, capitaine d'un remorqueur de haute mer qui s'appelle le Corias. Et donc c'est un peu une famille avec cet équipage. Il y a Speedy 10 000 watts, Tichot du Bayou, Aristide Mégahertz, Titus Topinambour, voilà, qui sont les membres d'équipage, qui sont chacun un petit animal. Il y a un raton laveur, un lapin et un hibou. Et donc cette petite Lou Piloufasse va vivre des aventures maritimes et en même temps avec des escales dans pas mal d'endroits, j'espère, dans le monde. Et le fil conducteur est que elle a une maman qui est actrice et chanteuse, qui joue dans des théâtres, dans des opéras, et qui a toujours besoin quand même de voir sa fille, mais qui en a pas besoin tout le temps. Donc quand elle en a besoin, elle appelle son frère Boniface Piloufasse, qui revient dardard avec son bateau et qui apporte la petite fille pour un bisou. Mais assez vite, la maman a besoin de reprendre son travail et se lasse peut-être un peu vite aussi de sa fille. Donc ça arrange les affaires de tout le monde. De tout le monde, parce que Lou adore naviguer, elle aime beaucoup être sur ce bateau. Sur ce bateau sur lequel elle vit des aventures quand même assez rocambolesques. Si possible, oui, si possible, le plus possible. Puis en plus, elle se fait une amie assez particulière. Alors dans la première aventure, ça c'est un incontournable des aventures en mer, on rencontre un vaisseau fantôme. Ce vaisseau fantôme est avec un équipage de squelettes. On pourrait les croire tout droit sortis de la fête des morts au Mexique. Et ces petits squelettes ont besoin de se débarrasser d'un monstre qui mange tous les bonbons qu'on peut trouver dans les ports du monde et qui est enfermé au fond de la cale du bateau. Et donc Boniface et Lou vont aider à dénouer l'intrigue, et elle va faire la rencontre d'une petite amie squelette qui s'appelle Anastasie, qui est muette et qui est très maligne. Oui, très maligne, mais qui a un cœur gros comme ça. Oui. Parce qu'elle va toujours aider Lou. Ah, ce sont des amis inséparables depuis le début de la série, et je ne sais pas combien de temps, mais ça sera toujours ensemble. En tout cas, le rire, le rythme est au rendez-vous des récits. Toi, Marie-Claude, tu l'as lu, qu'est-ce que t'en as pensé? En fait, je les ai lus toute seule pour commencer, hein, plaisir coupable. Alors, j'ai eu le droit de les lire très rapidement. En fait, j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve souvent dans la littérature jeunesse, on on tombe souvent dans le facile au niveau de la langue. Et là, c'est intéressant parce que justement, les noms des personnages nous amènent ailleurs. Il y a des jeux de mots. C'est intéressant. On peut aussi amener les enfants à discuter aussi de leur prénom, du pourquoi, du comment, le fait que Lou se promène en bateau. Donc, mais la prémisse, c'est que Boniface, il se fait un peu imposer la présence de Lou. Il est pas très content, en fait. Il fait tout pour qu'elle reste sur terre et non pas sur le bateau. Et puis Lou, c'est une petite coquine, et puis elle s'immisce dans le bateau. Puis très vite, on va se rendre compte qu'elle devient un peu indispensable. Elle est extrêmement courageuse. Elle a une tête très dure aussi. Oui, elle a une tête dure. Et moi, ça m'a extrêmement plu. Les personnages sont très beaux. Ils sont attachants. On embarque très, très vite aussi. On a envie de les accompagner. Ils sont pas totalement tranchés, mais ça m'a extrêmement plu. J'ai commencé à lire à ma petite fille de 5 ans. Oui. Il faut dire que les illustrations sont magnifiques à l'aquarelle. Elles sont de toute beauté. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, j'ai commencé à le lire à ma fille qui a quand même... C'est des textes qui sont moyennement longs. Là. C'est pas vraiment pour un enfant de 5 ans nécessairement, mais elle a beaucoup embarqué les squelettes et tout ça. Donc, c'était assez... Il y avait le petit côté étrange, mais le personnage de la petite fille, ça l'a tout de suite capté. Donc, on a eu des beaux moments de lecture ensemble. On va sûrement poursuivre, j'espère, dans la série. Oui, c'est une série. Et puis, c'est des beaux romans pour commencer, débuter la lecture. C'est fort agréable. Donc, gros coup de cœur pour moi, en tout cas. Merci. Ça fait Merci plaisir. Beaucoup. Mais justement, il y a des termes de navigation qui reviennent aussi de façon très... facile en fait, facile à comprendre. Et en regardant votre œuvre, c'est le thème de la mer revient, le thème du voyage. Et là, je pensais aussi à La Douane volante, donc votre premier roman qui a reçu un très bon accueil. Et là, on est ailleurs. On est dans un autre univers fantastique. Comment c'est venu c'est l'histoire justement de ce jeune rebouteux Gwen qui se perd en fait dans un autre monde. Il faut que je me remette un petit peu dans le livre, mais c'est une histoire la particularité c'est que ça arrive en 1914 au moment de la déclaration de la guerre. Et ce jeune garçon a 14 ans, il est né avec le siècle. Et il a été embauché bon gré mal gré chez un rebouteux, quelqu'un qui, je sais pas si on dit rebouteux aussi ou au rabouteux, Québec, c'est quelqu'un qui soigne avec les mains, c'est un guérisseur, les fractures, il coupe le feu, c'est-à-dire il apaise les brûlures. Et c'était un personnage un peu inquiétant, aveugle, pas facile de caractère. Et Gwen, le jeune héros, a une drôle d'idée, c'est que au moment de la mort du rebouteux, le rebouteux meurt au moment de la déclaration de guerre, et Gwen est en butte à des camarades qui le maltraitent. Il est en quelque sorte en retraite dans la maison du rebouteux, et une nuit, il y a une charrette qui passe dans la cour de la ferme, et cette charrette est toute noire, elle est guidée par un homme en noir, et c'est en Bretagne, ça s'appelle l'Ankou, c'est le messager de la mort. Et Gwen a la drôle d'idée de monter sur la charrette. Et il se laisse emporter par ce messager, et il ne va pas mourir, mais il va descendre dans la tombe du rebouteux, et de l'autre côté, il arrive dans un autre monde qu'on pourrait situer 3 siècles plus tôt dans les Pays-Bas de Rembrandt. Et là, il va vivre vraiment des aventures. Donc l'idée est qu'il est mis entre parenthèses pendant toute la durée de la guerre 14-18. Il va revenir à la fin de cette guerre par des chemins bizarres, étranges. Il va se construire en tant qu'homme aussi. Voilà, il va se construire pendant cette période où il est mis entre parenthèses, mais il va aussi, affronter des épreuves, des difficultés, parce que lui aussi va découvrir qu'il a ce talent de guérir qui est presque une malédiction, parce que c'est compliqué de savoir guérir les gens. Donc il va affronter ses peurs aussi. Oui, les peurs, les craintes. Mais alors justement, quand vous avez rédigé ce roman, alors la question qui tue, vous êtes davantage plus auteur ou illustrateur? Ah, pour le roman, là, j'étais auteur complètement. Mais j'écris avec des images, comme tous les auteurs. Mmh. J'écris avec des images et je dessine avec des histoires. Donc, on navigue un petit peu de l'un à l'autre. Mmh. Donc, la frontière est vraiment floue. Oui, c'est une frontière qui est assez floue, je trouve. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Et donc, alors là, on me fait signe qu'il faut que je continue de plus belle. Alors là, vous êtes au Québec justement pour présenter votre travail. Vous allez être au CLAP demain. Et qu'est-ce que vous présentez justement aux personnes que vous rencontrez? C'est des enseignants, c'est des bibliothécaires, c'est des libraires. Qu'est-ce qui les fait, vous sentez justement lors des rencontres ce qui les interpelle? C'est difficile de savoir ce que les gens veulent ou attendent. Nous, les auteurs, on essaie d'être au plus près de nous-mêmes plutôt. Bien c'est sûr, un peu notre travail, c'est d'être sincère avec ce qu'on a envie de raconter, avec ce qui nous touche, avec ce qui nous remue. Et on espère, c'est un peu à chaque fois comme une bouteille à la mer, que ça va toucher les gens. D'abord les libraires, parce que ce sont eux qui proposent ensuite les livres. Mmh. Les enseignants, parce qu'ils en parlent aussi aux enfants, mais principalement quand même les lecteurs. Qui peuvent être adultes ou enfants, ça dépend des livres que l'on fait, ça dépend des thèmes que l'on aborde. Mais demain, je présenterai par exemple volontiers Loupiloufas parce que c'est le petit dernier. Une série que j'aime beaucoup écrire, qui m'amuse, qui me fait extrêmement plaisir à écrire et à dessiner, parce que j'ai l'impression d'être vraiment comme un gamin quand je fais ce texte là et vous le dessinez aussi, et voilà. Et en plus, je crois que c'est l'idée que ce soit une espèce de petite famille comme ça, qu'on promène sur un bateau, c'est quelque chose qui peut traverser beaucoup de thèmes différents, qu'on peut promener dans des pays différents, et on pourra s'attacher, j'espère, à un personnage, puis à un autre, puis à un autre. Donc j'ai l'impression que ça ouvre une espèce de chemin. Je viens juste de poser un pied dessus. Donc on sait justement pas où est-ce que cela va nous mener, mais c'est sûr, ça va aller nous mener jusqu'au bout du monde. J'espère avec bien. Cette famille atypique. J'espère. Alors là, justement, après Québec, vous continuez votre tournée. Bah, déjà, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez toute une équipée aussi qui vous accompagne. Alors, il y a Mathieu Maudet. Il faut que tu m'aides à citer tout le monde. Alors j'ai une suite. Emmanuel Caron, Marie-Laure Cruchy et Mathieu Maudet, effectivement. Vous êtes quatre à rencontrer justement ces passeurs de livres qui sont extrêmement importants. Est-ce qu'il y aura encore une autre rencontre à Montréal ou ça boucle la tournée que vous êtes en train de faire? Non, il y a encore une rencontre à Montréal. Mm-hmm. Jeudi. À quel endroit? À la librairie Gallimard, non? Cinéma Alexandrice. Je suis désolé de pas avoir les réponses immédiatement. Je me tourne vers Marie Marguignan parce que je suis. Comment est-ce possible? Je suis un peu, la journée a été longue en oui, rencontre. Je comprends, alors je commence à nager un petit peu. Très bien, très bien. En tout cas, on a eu du plaisir à vous écouter, à vous accueillir. C'est encore vraiment toujours un plaisir d'accueillir des auteurs et des illustrateurs. Ça sonne déjà la fin, non? Ben oui, quand même. Donc, la fin de notre première émission de la saison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de Loupiloufas, de La Douane Volante. Moi, je vous le recommande. Moi, j'ai adoré aussi ce roman où on se plonge dans un autre univers, où on rencontre le Kraken. C'était la première fois que je le rencontrais personnellement. Et donc, je rappelle donc pour les auditeurs curieux, donc vous pouvez aller au cinéma Le Clap. C'est demain, mardi 7 octobre, de 9h30 à 12h15, donc pour rencontrer François Place, Emmanuel Caron, Marie-Laure Cruchy et Mathieu Maudet, auteur et illustrateur de l'équipe Gallimard Jeunesse. Donc voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je remercie donc mes collaboratrices d'aujourd'hui.